Et c'est comme ça que j'ai réglé mes problèmes d'érection. Toi, t'aurais été trop à l'aise à l'époque de Jean-Marie Bigard ou Yves Lafesse. Toi, Jean-Yves Lafesse. Jean-Yves Lafesse. Il est 21h36. On a des petites bières sans alcool, mais au citron, qui sont pas dégueulasses, ma foi. Des baby carrots. J'aurais passé ma vie à critiquer et à haïr les gens qui mangent des baby carrots. Et nous y sommes. Et j'ai envie de dire bonjour Loïc, comment tu vas ? Bonjour Barry, bah écoute, ça va très très bien. Ouais. Petite journée de travail, et là du coup, bah, je viens réaliser un petit rêve de gosse, m'enregistrer à la radio, et ça, ça fait plaisir. Mec, tu sais qui c'est qui paye tes factures pendant un mois ? Non, dis-moi. C'est Manu dans le 6-9. Let's Emma, go ! Comment tu vas ? Oh waouh ! Bah écoute, ça va, je suis d'autant plus contente que la dernière fois on a parlé de Loïc. C'est vrai que la dernière fois on a parlé de Loïc. Je l'ai présenté un petit peu comme ma muse, ma joie de vivre, mon envie d'avancer dans la vie. Bon, peut-être pas tant. Voilà, voilà. Non, mais j'avais dit aussi, ou peut-être pas, mais je vais le dire là, qu'une bonne soirée. Bah, ça se passe avec Loïc. C'est vrai qu'elle avait dit ça. Moi, j'avais dit ça. Enfin, tout du moins, mes bonnes soirées, je les passe essentiellement avec Loïc. Elles peuvent être dures. Ça peut être compliqué. Ça peut être long. Ça peut être très long. Mais bon. Après, voilà. Moi, c'est mon ressenti à moi. Mais je me demande, toi, Loïc, qu'est-ce qu'une bonne soirée pour toi ? Oui, encore de la transition à travailler, Oh, le niveau est... Déjà, premièrement, je vais revenir sur un point. Déjà, c'est cool, j'arrive à la radio, je me fais saucer. Bon, on paye pas mes factures parce que j'ai pas répondu à la bonne question. Mais je me fais saucer et j'adore me faire saucer. Et c'est peut-être ça le début d'une bonne soirée, c'est justement... Ben, c'est comment t'arrives à la... Ouais, c'est un peu la question qu'on se pose tout le temps. C'est vrai que je me suis souvent posé la question. T'arrives à une soirée, tu te dis, est-ce que ça va être une bonne soirée ? Et je crois que c'est quand t'appréhendes un peu trop la soirée, ça part toujours un peu en couille. C'est-à-dire que tu... On a parlé de ça la dernière fois avec Charles. Ouais. Mais avec d'autres mots. Mm-hmm. C'est-à-dire, comment ça... On n'avait pas ces mots. Enfin, voilà. Ouais, je vois. Ouais. Mais c'est vrai que du coup... Moi, c'est vrai que du coup, moi, j'aurais plus tendance à me souvenir des mauvaises soirées pour rehausser justement les bonnes soirées. Mais c'est vrai que pour moi, je pense une bonne soirée, en un mot, c'est quand même une aventure. C'est... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a tout un scénario qui se passe. Il y a plusieurs lieux. Il y a plusieurs événements marquants à différentes tranches d'heure. Et c'est foutu, faut surtout que ça dure toute la nuit et même le lendemain. Il n'y a pas le choix. C'est vrai qu'on parlait de ça aussi la dernière fois, le côté aventure d'un côté et aussi la temporalité. Le fait que ça dure 4 jours. C'est clair. C'est un truc de fou. Mais c'est vrai que du coup, c'est ce genre de la soirée, c'est vrai que quand c'est une bonne soirée, t'as pas envie que ça se termine. Donc du coup, on va dans le temps. Ouais. On s'use. Le corps, il crie à l'aide. Il est aux agonies. Il en peut plus. Il en peut vraiment plus. Et non, t'as juste le mental qui te tient debout. Mais tu prends même aucun plaisir. Ah non, aucun. Tu n'as aucun plaisir d'être debout à 7h du matin. À 7h du matin, tant que tu vois le soleil, t'as l'air d'être heureux, mais pourtant, bah, tu continues comme tant que tel. C'est plus l'appel de la soif, l'appel du vice, l'appel de l'ivresse. Alors du coup, tu veux dire que pendant une bonne soirée, tu profites même plus ? Je suis pas sûr d'avoir compris ce qui est... Mais je crois qu'en fait, ça dépend... Ah, c'est vrai que ça soulève un vrai petit point. Ouais. Je pense qu'en fait, tu profites de l'aventure et des limites que tu es en train de dépasser. Ok. Donc... Toi, t'es dans l'expérience, toi. Toi, t'es dans le sportif de haut niveau, toi. Mais en vrai, c'est vrai que du coup, c'est toujours la curiosité qui me garde debout. Ouais. Ah, je suis quelqu'un de curieux, moi. Vraiment. C'est vrai que pour moi, c'est vrai que c'est la curiosité, justement. Est-ce que ce soir, je serai capable de dépasser mes limites ? Ou, à contrario, une soirée plus calme, est-ce que je serai capable de... Bah, qu'est-ce que ça fait si je me couche un peu plus tôt cette fois-ci ? Est-ce que je vais autant profiter de la soirée ou pas ? C'est vrai que j'ai expérimenté ça il n'y a pas très longtemps. Il y avait une petite théorie qui disait que, genre, après 5 heures, il ne se passe rien de bon. Et ben je l'ai testé, c'était pas mal. Ah, tu penses, moi, je pense qu'après 5 heures, c'est le moment où tout devient un peu intéressant. Ouais. T'as le vague de... Après 5 heures, t'as plus de doute. Normalement, enfin, si tout le monde boit, du moins, tout le monde est dans un autre lieu. On a passé les barrières de quand on se connaît pas trop, de machin. Oui. On est au même endroit, dans le même état. Et tout peut, à peu près tout peut se passer, tu vois. C'est là où tu rencontres tes potes, c'est là où tu te rends compte qu'un tel, en fait, il est cool et c'est pas un gros con. Tu vois, je parle de toi, Loïc. C'est vrai que les meilleures rencontres, je les ai faites à 6h du matin. J'avais un petit jeu à vous proposer aujourd'hui. Alors, rien de très compliqué, hein. Étant donné qu'on va parler de soirée, j'ai envie de vous parler du compte Twitter qui m'a fait rire pendant des années, qui s'appelle Ivre Virgule. Vous connaissez ou pas Ivre Virgule? Non, pas du tout. Vous connaissez pas? En fait, c'est un site un compte Twitter qui réunit tous les articles de presse qui commencent par Ivre Virgule. Genre Ivre Virgule, il fait ci, Ivre Virgule, il fait ça. C'est un fait divers en Vendée, en Bretagne, quoi. À peu près ça, ouais. Donc je vais vous lire des ivres virgules et vous allez me dire si vous pensez que c'est arrivé ou pas. Sauf que j'ai perdu mon ivre virgule. Merde. C'est là. Voilà. Vous allez me dire si c'est vraiment arrivé ou pas. D'accord ? Ok. Le premier, assez simple. Ivre, il met le feu aux urgences. C'est carrément possible. Loïc, qu'est-ce que t'en dis? Comment? Attends, je réfléchis comment il aurait pu faire ça. Mais mec, il y a mes moyens. Attends, mais il n'y a rien pour foutre le feu aux urgences. Un briquet. Dans une salle d'attente. Bah, dans sa poche, mec. Ah ouais, il avait une... Un briquet ou alors un truc, je sais pas, un truc médical. Un briquet, un déodorant. Ouais, c'est... Ouais, en vrai, c'est possible. Bon. Genre un... Ivre. Le mec, il a complètement pété un câble. Spoiler, c'était vrai. Oh. Ivre, il baise son père. Oh, wow. Dans les articles, il n'y a pas le contexte. Il y a le contexte, mais j'ai décidé de ne pas le lire. Okay. Oh la vache, si c'est vrai, mais force à lui. Hein. Mais force à son père, parce que son père, lui, il n'était peut-être pas ivre. Ouais, mais est-ce qu'il était consentant? Parce qu'il y a toujours la question du consentement. C'est important. Me too. Ben, faux. Faux. Faux, archi faux. Ouais. Vous avez reconnu la patte de l'expert. De l'artiste. Ivre, il jette un chat du 4e étage. Waouh, mais ça, en vrai, ça arrive bien plus qu'on ne le pense en plus. Ouais, de jouer bien avec les animaux ivres. Il y a trop de gens qui font ça. Ouais. Ouais. Donc ouais. Oui. Oui, c'est vrai, malheureusement, putain, l'animal n'a pas survécu. Ivre, il s'engage dans la police. C'est complètement vrai. Justement, je crois que c'est un des... Moi, je pense qu'au vu du contexte actuel, c'est complètement faux. C'est une vanne. Et mais moi, justement, je crois que ça fait partie... Complètement politique. Eh bien, c'est vrai. Parce qu'on dit non, je suppose qu'il a aussi passé le concours Ivre. Et qu'il a été pris. Bref. Est-ce que vous avez vu qu'ils ont lancé le programme de réserviste de la police nationale? Quoi? Un peu comme les pompiers? Comme les pompiers. Ils vont avoir un beeper et tout, hop là. Non, un flingue. Et un talkie-walkie. Et une matraque. 10 jours de formation. Et vous êtes policier volontaire dans la rue avec une arme. Alors, vous me direz, non, mais on fait quand même pas n'importe quoi. Il y a un truc pour les repérer. Leur pistolet est bleu. On a le droit de leur piquer? Bah non. Oh. Bon, on a le droit de les insulter. Ah. Ta grand-mère, les flics bénévoles là. Voilà. Bah, rapidement. Hein? Ouais, c'est vrai. Comment une bonne soirée? Une bonne soirée? Mais une bonne soirée, c'est une soirée pendant laquelle Macron n'est pas président. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas passé, moi, des bonnes soirées. Oh. Ivre! Bah, je me suis perdu, tiens. Ivre. Virgule. Ivre, il agresse sa compagne avec une fourchette. C'est complètement vrai. Genre, le resto, il s'est mal passé. Quoi? Comment ça? J'ai pas les mains de Saint-Jacques. Chérie, calme-toi et tout. Je vais le baiser, serveur, je vais le baiser. Attends, il agresse la femme? Oui, sa femme. Sa femme. Sa femme. C'est possible? Oui. Bah oui, puis bah oui, c'est même pas drôle. Ok, ivre, virgule, il agresse sa compagne avec une bouteille de trousse pinette. Charles. C'est complètement faux. Oui, c'est faux, j'ai inventé. J'ai pas laissé le suspense. Voilà, je voulais ajouter un petit peu d'aspect ludique à cet épisode. Là, je suis en train de faire traîner, comme ça je pourrais couper si c'est nul. Que ça marche. Je bois une petite gorgée, et puis Emma, est-ce que tu auras envie de reprendre la main? Mais bien sûr, mm-hmm. Avec grand plaisir. Mm-hmm. Ouais, et toi Loïc? Dis-moi. On a raconté quelques anecdotes hier soir. C'était pas très longtemps, mais c'était pas hier soir. Dans l'épisode avec Charles, sur nos anecdotes de soirée. Et tu sais que cette émission est faite pour résumer nos anecdotes et aussi avoir un petit bouquin, un petit truc comme ça, quand on sera vieux. On fera écouter nos gosses et on dira hey, ça c'est le petit Loïc, je peux te dire qu'on en a appris avec Loïc. On a parlé de toi à plusieurs reprises, notamment avec la prouesse de la mode de foin. Parce qu'il fait partie de cette personne avec Charles qui ont déménagé cette botte de foin. Oui, je suis très très fier de pouvoir dire que ce sont mes amis. Mais du coup, Loïc, je voulais te demander, est-ce que tu aurais d'autres... une petite... alors, je vais t'en demander plusieurs dans la soirée, mais est-ce que là, tu aurais une petite anecdote de soirée à me jeter dessus, à m'éparpiller comme le mec du sel avec le steak là, comme ça. Il s'appelle déjà Salt Bay. Mais c'était plus rigolo de faire, genre je connaissais pas son nom. C'était important. Voilà. Ok. Je trouvais. Bah alors moi j'avais réfléchi à une anecdote parce que du coup on m'a pitché juste avant sur le sujet du truc. Ça fait 3 jours qu'on l'a pitché. J'ai juste oublié de travailler. Ouais, j'ai complètement oublié de travailler. J'ai fait les jours il y a 5 minutes là, devant une bière et tout. Je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai foutu de mes soirées? Parce que j'ai cette fâcheuse manie de tout oublier. Ouais. Mais c'est pas l'alcool, hein, c'est juste que... J'ai des problèmes d'attention apparemment. Et alors du coup... J'ai une petite anecdote, du coup il y a une anecdote qui m'est venue et en fait cette anecdote elle est quand même assez mythique dans l'ensemble. Alors cette soirée, c'est une soirée, c'était 2 ans après que j'arrive à La Rochelle, donc j'ai fait mes études supérieures à La Rochelle et j'arrive ma première année d'IAE du coup, parce que j'ai redoublé et tout, enfin je vais vous passer les détails parce que je prends le temps quand je fais les choses. Je ne sais pas faire de réflexion. Je prends le temps quand je fais les choses. Toi, t'es un mec tranquille, toi. Oh, t'es pas pressé. Non. Quel âge t'as? La 40 piges en plus, donc ça va. Ouais, il te reste du temps, quoi. Bon, t'as la moitié. Ouais, 40 ans, je viens d'avoir mon master. Impeccable. Non, détente. Et du coup, bah, comme à notre habitude, on avait la... tout le monde vient à mon appartement. Donc, on était plusieurs à dormir. C'était l'appartement, en fait, c'était un studio, donc il n'y avait qu'une seule pièce. Et tout le monde dormait dans la même pièce. Donc, on avait... alors, je ne citerai pas les noms, mais du coup, on avait Jean, Michel et Vincent. Mmh. Et la soirée se passe que du coup, on commence la soirée chez moi. Donc du coup, on liche un peu, genre petit apéro, tranquillou, jusqu'à 21h. Ensuite, on a rejoint Vanessa. Vanessa, chez elle, à son appartement. Est-ce que c'est un vrai nom ou t'inventes les noms là? J'invente les noms depuis tout à l'heure. D'accord, oui. Ouais, je vous disais, mais je ne connais pas ces gens. Il vaut mieux, justement, je pense, par rapport à l'anecdote, que les noms n'apparaissent pas. On a une politique de confidentialité. Quand l'anecdote est craignos, pas de prénom. Quand l'anecdote est juste marrante, là, on peut balancer les prénoms. Ouais. Et du coup, on va chez Vanessa. Il faut savoir que Michel, à ce moment-là, en pinçait pour Vanessa. Mais sérieux. Sauf que c'était pas réciproque. Attends. Ouais, j'ai... Vas-y. Ah, c'est bon. Et du coup, en fait, il faut savoir Alors, Michel avait un crush sur Vanessa. Exactement, Michel avait un crush. Mais c'était pas réciproque. Elle le savait, Vanessa, ou pas que Michel avait un crush? À ce moment, elle le savait pas. Mais c'est comme toutes les Vanessa qui sont plutôt mignonnes. C'est-à-dire qu'elles ne réalisent pas que les gens tournent autour d'eux. C'est un peu, je vois le genre de Vanessa. Ouais. Je dirais aussi, c'est pour toutes les Aurélie. Tout est dit dans celles qui ont donné la vie. Exactement, sacré Aurélie. Pour pourtant, toute la Aurélie. Elle n'avait que 16 ans. Mère à tout prix. Vas-y, je te laisse continuer. Ça marche. Oui. Et du coup, bah, on arrive. Et là, en fait, ce qui est sympa, en fait, dans ce groupe de potes qu'on a réussi à former au fil des années, c'est qu'on a des intérêts communs. Le whisky. Intérêt commun numéro 1, le Sky. Le Sky. Et ça coule à flot. Alors, il y avait les irréductibles gaulois qui s'acharnaient sur le Captain Morgan. J'en faisais partie, mais de toute façon, moi, j'étais pas difficile, je tapais dans tout. Tant que c'était liquide. Et... La soirée fait que, du coup, on, à ce moment-là de nos études, c'était quand même il y a 5 ans, 6 ans, le blackout, c'était pas overbooké comme maintenant, c'était quand même facilement d'accès, et puis c'était quelque chose qui était prisé chez nous. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le blackout pour les gens qui... Exactement, pour les gens qui connaissent pas, le blackout, c'est une boîte de nuit à La Rochelle qui se trouve au Minimes, juste à côté du cinéma, entre le cinéma et le McDo. Cette boîte de nuit a la particularité, à cette époque-là, d'avoir des bouteilles de shooter à 20 euros. Oh oui! Ça n'existe plus, hein? Ça n'existe plus, c'est passé à 60 euros. Mais non, oui, mais c'est n'importe quoi. Oui, 60? Oui. 60 euros. J'ai toujours dit que c'était une ville de merde, putain. Ouais, ouais, ben à 20 euros, je peux te dire que ça refaisait ma soirée. J'en avais plus d'un, des gars. Mm-hmm. Ils avaient une bouteille de shooter. Hein. Mm-hmm. Oh, ben j'étais refait. Hein. Mm-hmm. Je perdais la vue pendant à la fin de la soirée. Mais du coup, on arrive au blackout. Et là, après ce merveilleux blackout, on est tous ensemble. On est une bonne tribu parce que du coup. Jean, Vincent et Michel, on a rejoint Vanessa, mais aussi ses copines et ses copains. Et du coup, bah, on blackout et tout, ça se passe super bien. À ce moment-là, j'avais quelqu'un, donc moi, du coup, mon esprit était clairement dans mon verre. Mm-hmm. C'est-à-dire que j'avais qu'un seul objectif, perdre la mémoire. Mais ce jour-là, je n'ai pas réussi. Et je pense que ça revient justement à la définition de la bonne soirée, c'est-à-dire que tu avais un objectif et en fait finalement ça, tu l'accomplis pas. Ah ouais. Ton objectif à la base c'était de perdre la mémoire, bah finalement tu retrouves toute la mémoire. Et là tu es en pleine aventure, en pleine curiosité. Le blackout, bah rien d'extraordinaire à raconter, c'est une boîte de nuit tout à fait banale, mis à part quand même les bouteilles de shooter à 20 euros. C'était quelque chose ça. Oh, c'est quelque chose hein. Ouais, non, c'était pas mal. Ah ouais, vraiment, tu te balançais 2-3 mètres de shooter dans la gueule, t'avais 20 euros. Hein. Non, mais quand on voit la montée des prix et tout, c'est exorbitant. Oh bah, et maintenant avec l'Ukraine, il n'y a plus ça. Hein. Ah non, il n'y a plus ça, on ne peut plus respirer. Hein. Et du coup, là, on rentre. Et c'est sur le retour que c'est le plus intéressant, c'est-à-dire que... À ce moment-là, moi, j'habitais à l'entrée de La Rochelle. Mais à l'entrée de La Rochelle, c'était à peu près à 40 minutes de marche du blackout. Oui, loin. Ouais. Et sur le retour, Michel qui en pensait pour Vanessa, eh bien moi, j'étais avec Vincent qui, lui, était déjà rentré plus tôt. Je lui avais passé le double de mes clés. Mm-hmm. Il était fatigué et tout, il dormait dans mon lit. Et là, il y avait Jean, j'étais avec Jean. Et avec Michel. Et en fait, Michel, très très très bourré et très très très amoureux, on le perd dans le centre-ville de La Rochelle. Et là, on comprend pas et tout. Et on le voit qui sonnait devant la porte de Vanessa. Oh non. Si, si. Oh non. Si, si. Il sonnait. Et là, on fait. On passe à côté. On lui dit écoute, Michel, tu sais où est l'appartement et tout. Oh ouais, t'inquiète et tout. Ding dong. ouais, t'inquiète, je vais dormir chez Vanessa et tout. Ok, très bien, on te fait confiance. Et il s'avérait qu'à ce moment-là, Michel, il faisait son stage, parce qu'on était en pleine semaine, hein, il faut préciser. Mmh, j'ai compris les prénoms. Il faisait son stage sur La Rochelle. Et il embauchait tôt le matin. Nous, j'étais étudiant, était au chômage, donc on n'était pas trop gêné par ce genre de truc. Nous, on allait se coucher. Pour vous, c'était un lundi, quoi. C'était un lundi, ouais, c'était plus un vendredi. Ouais. Voilà. Donc on était samedi. On arrive chez moi et là, Jean. À la mer, je disais, Loïc, on va à la salle de bain, on va faire un aqua. Bah, let's go. Il aimait bien les aquas à ce moment-là. Ah, Jean, il aimait beaucoup les aquas. Et en fait, j'avais la chance, c'était assez curieux. Dans ma salle de bain, il y avait. C'était une grande salle de bain. Et en fait, j'avais un lot de papier de toilette de 48 rouleaux, que tu peux acheter ça justement dans les supermarchés. 48. Et ça faisait une petite table basse. Ah mais oui, c'était cet appart-là. Oui. Avec l'étendoir à linge. Oui, qui avait servi justement pour ma petite culture, enfin, ma culture personnelle. C'est exactement là où je voulais en venir, oui. Le fameux... Et du coup, ben justement, cet étendoir magique était là à côté de nous. Et avec, notre ami, avec mon ami Jean, on s'est roulé des joints, on s'est fanermé à quoi. Faut savoir que ça fait un bon 5 mètres carrés quand même, la salle de bain, même un peu plus, je pense. T'avais un appart quand même à l'époque. Hein. Ouais, j'avais un appart. Il était grand celui-là. Ouais, mais il était juste le fait que j'ai la chambre qui est dans la cuisine, ça c'est un truc que je vois, j'ai ça, du mal. Ça c'était bizarre. Ouais. Bah, bon, c'est le cas de beaucoup de studios. Et du coup, bah, là on s'est fait un aqua, on a réussi à enfumer tout cet aqua. Mmh. Et là, on reçoit un appel. Faut savoir que. Ah, si, il y avait Vincent, mais Vincent il dormait à côté, il était raide à chier. Hein. Red meurt à chier. Red meurt. Et ben du coup, avec Jean, il reçoit un appel. Et là, c'est Michel. Et Michel, il nous appelle en pleurs. Il dit « Ouais, les gars, je suis perdu, je sais pas où je suis. Je suis au Leclerc depuis le bourreau et tout. » C'est-à-dire depuis le bourreau ? Non, alors c'est non. L'entrée de... En fait, il était facilement à un kilomètre de chez moi. Mais oui. Mais comment il a fini là-bas ? Mais oui, parce et c'est ça, en chemin. Fait. Michel ne sait pas comment il est retrouvé là-bas. Il a juste repris conscience, il était à côté du Leclerc. En larmes. Et là, il nous appelle. Wow. Il allait acheter des raviolis. Il s'est dit en bas. Malheureusement, c'était pas ouvert. Et en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, il était 7h du matin. Avec Jean, on s'était enfumé la gueule. Et là, on s'est regardé un peu, genre, tu vois, genre alerte cobra. Les yeux grands ouverts. Je lui ai dit, écoute-moi, mon petit Jean. Tu files le récupérer à Leclerc. Non, tu m'attends aussi. Je file le chercher avec la Twingo à Leclerc. Et hop là, on le ramène chez lui. Parce qu'à ce moment-là, il dormait chez ses grands-parents. Où ça ? Au minime. Il faut savoir que j'ai refait 5 km en bagnole. Complètement défoncé. À ce moment-là, je sais. Alors, petite interlude de sécurité routière, Barry. C'est pas bien. C'est vrai, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais à ce moment-là, on était quand même sur une alerte cobra. Notre ami. Que... Mais elle... déjà, non, la question de base, c'est pourquoi, quand vous l'avez vu en train de sonner chez Vanessa, complètement perdu comme le pain, pourquoi vous ne l'avez pas ramené dès ce moment-là ? À ce moment-là, notre ami Michel nous a convaincu que Vanessa lui avait donné son accord, justement, qu'il pouvait dormir chez elle. Et vous avez cru Michel ? Et on a cru Michel à ce moment-là. Je crois, alors c'est qu'on l'a perdu à un moment donné, on l'a retrouvé, il nous a confirmé ça et on est parti. Nous on avait vraiment envie de s'enfumer la gueule avec notre ami Jean, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Jamais sans votre ami Jean. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, notre ami Jean, il est indécollable au niveau de la sécurité routière, c'est-à-dire qu'il est intransigeant. C'est vrai. Il est vraiment terrible là-dessus. Jean, et c'est lui, Jean ? Pas mal. Oui, c'est lui, Jean. Putain. Et oui, c'est lui. J'ai pas compris. Et c'est ce qui est génial justement chez lui. Et heureusement qu'il est comme ça et il en faut plus des gens comme ça. Mais à ce moment-là, il était d'un relâchement incroyable. Mais non. Peut-être que c'est à cause des 1000 grammes de drogue. Il avait encore les yeux embués. Le THC. Il a fait conduire. Ouais. Alerte cobra, ouais. Mais c'est juste cet engouement. On est parti quand même sur du stratégie. Je vais chercher, tu m'attends ici et tu vas me servir de téléphone. Parce qu'à ce moment-là, j'avais mon téléphone, il n'y avait plus de batterie. Donc il nous fallait un GPS. Il n'y a jamais de batterie dans ton téléphone. C'est un véritable problème, mais je crois que c'est à cause de la batterie. notre ami Michel, on le récupère dans la voiture, en pleurs et tout. Genre trop triste parce que du coup il savait qu'il allait se faire défoncer par ses grands-parents parce que du coup il arrivait complètement bombardé et qu'il devait rembaucher, donc il a juste pris une douche et il allait travailler. Oh là là. Wow. Et en fait, il faut que je vous raconte la route. Pourquoi il a pas pris la douche chez toi ? Parce qu'il avait pas le temps. Il était 7h30, il embauchait à 8h30. Il fallait que je le ramène chez ses grands-parents. Et il a réussi à travailler dans ces conditions. Le mec en chiale complètement pété, il est parti taffer. Ouais, mais alors c'est pas fini. Sur la route. Et là, il y avait Charles et Auguste qui disaient la route. Et là, je faisais, Oh non, les gars, c'est trop chiant. Bah, ils me disent, bah quoi? Bah, les phares, ils m'attirent et tout. Genre, j'avais tendance à tirer un peu sur la gauche et tout. C'était très, très dangereux. Oh. Ah ouais. C'était vraiment la survie. Et vous savez pas quoi? Jean, il était mort de rire. Il était explosé de rire. Et c'était bien la première fois que je le voyais rigoler de ça. Parce que là, actuellement, il serait en train de nous faire des kimura, genre des clés de bras, et genre, il travaillerait les côtes et tout. Et en fait, on a de la chance de raconter cette histoire. C'est vrai que sur le moment, là, ça a une tournure un peu dramatique et tout. Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que ben, Charles... Quand moi, je propose... Arrive... Je t'arrête, désolé, X-Men de te couper, Loïc, mais moi, je propose que tous ces moments où il a pu dire les vrais prénoms, oui. on les bipe d'un bruit de Taz. De Taz. Mais il y a ce Taz-là, je disais un Tazer, genre. Je disais, bon, c'est... okay. Ça va, je l'ai fait que deux fois. Trois. C'est quand même beaucoup moins de fois que un invité de la semaine dernière. Ouais. Il avait trois fois le prénom à prononcer. On lui a dit trois fois, prononce pas. Il a prononcé quatre fois. Tu lui as lancé un défi aussi. Tu lui lances un challenge. Ouais, je sais pas ce que je cherche avec lui. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il nous a raconté le lendemain, sa grand-mère lui a dit, mais t'es pas méconnaissable. Imaginez. Imagine. Attends, mais du coup, ça veut dire qu'il est méconnaissable ou qu'il n'est pas méconnaissable? Parce qu'il a dit qu'il n'était pas méconnaissable. Il était méconnaissable. Ah, ok. Imaginez vous faire réprimander par votre grand-mère. Ta mamie. Mamie a dit, mais t'es méconnaissable. Mon petit Michel. Il a tout perdu, oh là là, en termes de dignité. Ouais. Oh là, on n'est pas bon. Ouais. Ouais, j'espère qu'on pourra un jour recevoir Michel derrière ce micro pour qu'il donne sa version des faits. Exactement. Et nous, avec notre ami Jean, on a réussi à... Ben, on est revenu dans nos pas. Et vous savez ce qu'on a fait? Non. On est dans la salle de bain. Oh putain. Je pense que c'est ça une bonne soirée. Ah là là. Ouais. Ça a l'air d'être une belle soirée quand même. C'est quand le malheur des autres se répercute pas sur toi et qui crée en même temps une aventure et qu'à la fin pour toi ça se finit. Et qu'il n'y a pas de blessés. Il n'y a pas de blessés. À part son ego. Plus d'ego pour bien Michel. Touché, hein. Michel, il a perdu son ego directement. Fracasse. Putain, je me souviens pas du tout de cette époque moi. Moi j'étais loin de vous, j'étais à Bordeaux à cette époque-là. En train de haïr sur La Rochelle parce que La Rochelle est la pire ville de France. À raison, je haïs à raison. Mais j'ai vraiment le seum d'avoir. Loïc vient d'engouffrer une mini carotte et de me faire un doigt d'honneur. Je vous le dis parce que c'est pas très radiophonique. Comme je... Voilà, on a. Bon, voilà, pour vous dire les détails, je suis en embrouille avec la ville de La Rochelle. Voilà, donc si vous êtes représentant de la ville de La Rochelle, on peut organiser un combat. Du UFC, boxe thaï, kickboxing, on peut tout faire. C'est... Voilà, je vous défie. Passons à autre chose. Emma, tu nous as gratifié de deux belles anecdotes la dernière fois. On avait beaucoup rigolé. On avait beaucoup rigolé. Il y avait celle du bidet. Du bidet. Eh oui, c'est vrai qu'elle a parlé de toi pour le bidet. Putain, mais t'es vraiment sa muse. Elle a parlé de toi deux fois, gros. Hey boy. Pour ma défense, la porcelaine, c'est la même. Alors, bah du coup, si c'est le premier épisode que vous écoutez, faites pause maintenant. Allez écouter l'épisode de la semaine dernière ou il y a deux semaines, je sais pas. Et c'est vers la fin. Ouais, vers la fin. Et une fois que vous avez eu l'anecdote du bidet, revenez ici, parce qu'on veut pas vous spoiler. Voilà, maintenant je considère que vous êtes parti, vous êtes revenu. Loïc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as chié dans ce bidet? Bah écoute, en fait, c'était assez compliqué. On arrivait avec Emma sur Bordeaux. Mmh. On était attendu de pied ferme par Amaury qui vivait ses derniers jours de bar dans ce bar actuellement. Mmh. Donc autant dire, il avait la volonté de nous nuire. Oui. On est clairement d'accord là-dessus. Il avait la volonté de vous nuire. Oui. Il avait la volonté de nous nuire. Et nous, bah, du coup, on avait la volonté de subir. Et on a subi jusqu'à 2h30. Ouais. Et arrivé 2h30, vous savez, c'est le stade du trop bourré. Mais assez conscient pour savoir qu'il faut aller se coucher. Mmh. Mais sauf qu'en fait, tout ce qu'il y a autour de toi, c'est pas flou, mais tout se ressemble. Ouais. Et je sais pas, j'arrive dans la salle de bain, il y a Emma qui se brosse les dents. Oui, il faut savoir qu'avec Emma, on n'a pas de gêne. C'est à peu près ce qu'elle a dit la dernière fois. Et là, je me pose, parce que du coup, je vois le bidet, et là, je me dis, mais c'est des toilettes, ok, trop bien. Là, je me pose, je fais ma commission, et là, je vois qu'il n'y a pas de papier de toilette. Donc, j'appelle Emma, je fais, ouais, Emma, tu peux me chercher du papier de toilette. Emma a eu. Et moi, c'est le moment qui me fait le plus rire, parce qu'il s'est dit, tu peux chercher le papier de toilette dans les toilettes STP. Et il n'y a pas eu de, réaction, quoi. Et des deux côtés. Hein. Des deux côtés. Des deux côtés. Des deux côtés. Et ça, on s'est rendu compte de ça, là, il y a quoi ? Une semaine ou deux ? Alors, je cette crois, anecdote ouais. d'il y a 4 mois, mmh. et c'est toi, Barry, qui a fait la réflexion que, bah, à aucun moment, il y en a un qui s'est dit qu'il allait chercher le papier toilette dans les toilettes pour le ramener au bidet. Sinon, il n'y a rien qui va dans cette histoire. Et là, du coup, mais moi, quand est-ce que j'ai su que j'étais en train de chier dans un bidet ? Bah, c'est. Bah, je m'essuie, et là, je me lève, je fais. Oh bordel. Et bah viens voir. Oh putain. Oh le merdier putain. Oh oui c'était un merdier ouais. Oh le bordel. C'était fou. Ouais c'est vrai que ça c'est. Ça fait ça, ça contribue justement à des curiosités et à alimenter à une bonne soirée. Et là, t'as obtenu un statut parce que bon, Loïc a toujours eu un statut d'expert de fête. Dans notre groupe, il y a plusieurs certifiés. Loïc fait partie des certifiés. Charles, on avait la semaine dernière, fait aussi partie des certifiés. Mais là, t'as passé un autre stade là. Je pense que l'anecdote du bidet, c'est vraiment top 3 histoires de ma vie et pas 3e. Peut-être deuxième. Non, même pas deuxième, c'est top 1. Oh, let's go, let's go. Je me fais saucer, j'adore cette soirée. Mais du coup, oui, pour revenir sur ce que je disais initialement, avant qu'on dérive sur cette histoire de d'étron sur de la porcelaine, Emma, tu nous avais gratifié de deux belles histoires. Oui. Est-ce que t'as quelque chose pour nous cette semaine ? Ouais. En fait, je m'appuie de ce que Charles avait pu dire la dernière fois, de nos soirées en voyage. Ok. Et je m'étais tâtée, enchaînée, j'avais réfléchi, etc. J'avais pensé au Togo, mais bon, j'allais encore raconter une histoire où je m'étais encore endormie sur les toilettes. Bref, c'était un peu répétitif. Ah, il y en a une autre dans la... Oh oui. Ah, non. Ça a été très compliqué. Mais je m'étais endormie et sur la moto et sur les toilettes dans le même mouvement de... Sur la moto ? Oui. Waouh, mais attends, moi je vais entendre cette histoire. Non, le but de la. Enfin, bon, rapidement, on rentrait de soirée, donc déjà je m'étais endormie presque debout pendant la boîte, j'ai dû tomber, donc attends, on a dit Emma, on rentre. Bref, ça allait pas du tout, et en fait on était à 3 sur la moto, donc je pouvais me permettre de m'endormir dessus. C'était calé quoi. Ouais, j'étais complètement calé. Et on dort à l'hôtel parce qu'on était en week-end. Et je m'endors sur les toilettes. Et sauf qu'on était à deux à dormir dans la chambre, il y a un moment, Mathieu, il s'est un petit peu inquiété de ne pas me revoir. Oh, la scène, il a dû voir régulièrement. Ouais. Il a fait « Oh non !» Bon, bref. Et donc, plusieurs anecdotes du Togo, machin, etc., me sont venues à aider. Et là, ça tombe bien, Loïc est là. Nous sommes partis au mois de septembre 2022 pendant 2 semaines, Loïc 3. Vers une aventure fou furieuse, celle du Sénégal. Sénégal entre potes, on était quoi, 8 ? 8, c'est ça, ouais. Ouais. Effectivement. Y a, juste pour interrompre, il y a un Sénégalais dans la bande de potes, c'est moi, je t'ai pas invité. Voilà. Pour info, il était à Atlanta. C'est vrai. Le mec préfère aller à Atlanta qu'au Sénégal. Oui, allez, enchaîne. Rageux. Ma culture et tout, ouais. Oui, mon pays, oui. Ouais. Bleu. Et ça. Et donc, on part à 8. Vacances de fou. Entre potes. Méga. Enfin, bref, tout était au top du top. On avait même une boîte de nuit dans l'endroit qu'on avait loué. On avait loué, c'était pas une villa. C'était pas une maison, c'était un club med pour nous qu'on avait loué. Barry. Enchaîne, vas-y, souffle dans le micro. Et on avait une boîte de nuit On avait une boîte de nuit dans le à l'intérieur de notre maison, de notre villa. C'était une petite cave, enfin bref. Une petite dépendance, super sympa. Ouais. Mais bon, on n'allait pas faire boîte de nuit sur boîte de nuit tous les soirs chez nous. En bon moment, voilà, on peut se permettre de sortir. Et on va... Ah, Morgane, l'initiateur de toutes ces vacances. Morgane l'initiateur. On l'appelle Morgane l'initiateur. C'est un beau surnom, ça. Avait un faible, je ne sais pas pourquoi, pour les casinos. Oui, vacances de colons jusqu'au bout. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est vrai. Et donc, on va au casino. Morgane a une chatte. De cocu. Peut-être que c'est pour ça qu'il aime le casino, du coup. Oui, je pense aussi, parce qu'en fait, il gagnait de l'argent, quoi. Mais tout le temps. Mais des sommes, en plus. Oui, c'était pas genre... Ouais, c'était à base de 200 balles, 300 balles hein, qu'il ouais, gagnait. Ouais, ouais, ouais. 300 balles, 300 francs CFA ou 300 non, euros, non, euros. Ouais, 300 ah ouais euros. Ouais, donc du coup, je sais pas. Sur, ah ouais, le mec est bien. Ça faisait quoi? Il s'est fait retrouver avec 200 000 francs CFA des fois à un moment donné. Ouais, un truc comme ça. En tout cas, je sais que la soirée qu'il a gagnée au casino, Morgane, ça nous a payé notre soirée d'après en boîte. Ah ouais. Et c'est cette soirée-là, du coup, c'était la dernière soirée de Jérém. On part en boîte. Et donc, dernière soirée de Jérém, donc ou pas en boîte, machin, c'est très très drôle. On danse comme des fous furieux, enfin bref. De la folie. Et en fait, le papa de Morgane habite là-bas. Il nous avait prêté sa voiture pour qu'on puisse se déplacer. Morgane conduisait. Et Marie était la copilote de Morgane. Nous, on était quatre derrière. Au lieu, sur un truc de trois places, on était quatre derrière. Bon, à l'aller, c'est passé. Au retour, ça passera forcément. Et au retour, il y a Morgane complètement sous. Hein, bah, voilà, c'est pas beau, c'est pas bien. Bien l'exemple que vous donnez entre vos deux anecdotes. Hein. Interlude sécurité routière. Faut ne pas en conduire, il faut choisir. Attendez, je fais l'interlude. C'est pas bien. C'est bon, j'ai fini. Et... il était tellement sous que c'était même Marie, donc du coup la copilote, qui prévenait Morgane quand il y avait des dodanes. Enfin, c'est même pas des dodanes là-bas, c'est des... Des nids de poules. Non, tu sais les des trucs là. Des nids d'autruche. Des... Mais non, il n'y avait pas de gros trous, tu sais les grands trucs là. Les... Des bosses quoi. Des dodanes. Ouais, mais des ah, bosses, des vrais on appelle bosses. Ça des coussins berlinois. Regarde sur internet, tu verras. Bon, bref. Et là, dans l'euphorie de la soirée, qui était juste géniale, il y a Loïc et moi. Mais attends, on était combien dans cette bagnole? J'étais pas ce soir-là parce que j'avais. On avait pris une part de la veille et j'étais resté avec Camo. Je t'ai complètement confondu avec Tom. Waouh! Je prends ça pour un compliment parce que c'est un très joli garçon. Okay. Je t'ai complètement confondu avec Tom. C'est wow. Possible. Donc toi et moi on était sur la fenêtre arrière et on avait sorti nos. Oh non. Loïc il vient d'essayer de taper sur le micro. C'est juste pour curiosité. Non je pense que c'est sa manière de me dire qu'il a pas apprécié le fait que je le confonde avec Tom. Donc toi et moi vitre arrière, bim on passe nos deux corps à moitié sur la vitre arrière et on hurle. Et t'as Théo et Jérém qui font ça de l'autre côté. T'as Marie qui s'y met, enfin bref. T'as... Attends, mais comment vous passez tous ces corps par une fenêtre? Bah après, on était un peu skinny tous. Oui, c'est vrai, tu mets Tom, Emma, Marie, Jérém. Oui, c'est vrai que c'est... Théo Doud, c'était... Ouais, on bipera les noms de famille. Bah bref, il y avait que Morgane qui pouvait pas sortir. Donc on était deux par deux par chaque fenêtre. Sauf Marie qui était toute seule devant. Et on hurle, mais la folie. Et on trace. Et il y avait un passage où il y avait régulièrement les flics. Mmh. Et on se dit, oh, tranquille. Et là, donc on hurle vraiment, on s'est cru dans un clip des Black Eyed Peas. Putain, en plus pas un clip de fou, quoi. Bon. On s'est cru dans un clip de... Oui, c'est vrai que j'aime bien. De Mano. Oh là là. Il y est là. Il y a Théo qui fait « Les flics !» Bon, je sais plus exactement comment il dit, mais en fait, il voit la lumière au loin des flics. Et là, panique à bord, évidemment. Donc, on se renferme tous à l'intérieur de la voiture. Et là, moi, je sais pas ce qui me prend. Je me mets... C'est très difficile à visualiser. Je me mets dans les genoux, sur les pieds de Tom, entre le siège de Marie et les pieds de Tom. Mais de manière à ce que vraiment, Tom, il était assis. On ne me voyait pas. Mais on ne me voyait pas du tout. Oui, j'ai fait de la gymnastique pendant 15 ans, très haut niveau, merci. Non, bref. Donc je me mets et j'avais mal, un mal de chien. J'avais la raille du siège dans le genou. Je me suis ouvert le genou. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Et les flics nous arrêtent. Et donc on bronche pas trop. Ça fait le tour de la voiture, ouvrez la malle, machin, etc. Et là, ils nous disent de descendre. Bof. Et en plus, oui, et on avait encore une partie... Non, c'était pas du casino, mais d'autres choses. Morgane, il avait une liasse de billets à l'intérieur de la voiture et qui était hyper visible. Et Marie, il a essayé de la cacher vite fait en deux spies parce que, bon, la corruption chez les forces de l'ordre au Sénégal, c'est connu. Enfin bref. Et donc, on sort. Et là, on commence à se faire incendier par le mec pour tapage nocturne. A raison, finalement. A raison, oui, effectivement. Parce que, en fait, on était en train de conduire et on était en train de dire pas du tout. Parce qu'ils discutent avec Morgan, ils discutent avec le fait que il sait que Morgan a bu, qu'il faut pas le prendre pour un con. Bon, on était à peu près. On était 6 dans la bagnole, ça le dérangeait pas. Et là, s'en est suivi une négociation d'à peu près 30 minutes pour pouvoir. Pour pouvoir négocier notre sortie d'ici parce qu'il était pas du tout, il avait pas du tout envie de nous laisser rentrer chez nous parce que on provoquait du tapage nocturne, incapable de savoir quand, enfin comment, surtout que tu avais Jérémy très pragmatique qui lui explique que dans la loi le tapage nocturne à partir d'une voiture en mouvement c'est pas possible. Donc du coup s'en est suivi Morgan a négocié avec le chef de la brigade. De la brigade. Nous, on était avec les... Je sais même pas si c'était des policiers ou pas, j'en sais rien. Enfin bref, on s'est retrouvés à parler des étoiles. C'est vraiment des babous. Non, mais c'était... Mais oh, c'était les spiritueux. Oh, mais c'était lunaire. On avait mis à peu près 10 grammes chacun dans le train. Et voilà, on racontait notre vie, qu'est-ce qu'on faisait ici. On a fini par parler des étoiles, des astres, machin, etc. Bref... Les tensions s'apaisent, Morgan, je ne sais ce qu'il dit au gars, et on paye 10 000, ouais, 10 000 francs CFA, je crois. Qui équivaut à 15 euros à peu près. Pour nous laisser repartir, et là, tout le monde se tape le check pour dire au revoir, le brigand chef sergent. Le brigand. Cher brigandier. Nous tape le check, nous souhaite une bonne route et... Et il espère nous revoir très rapidement au Sénégal, quoi. Voilà, voilà. Nous sommes donc repartis complètement pédés comme des coins dans cette voiture. Complètement quoi ? Pétés comme des coins. Gros comme une queue de pelle. Et on est reparti là-dedans. Et voilà. Et ça a été un moment... Elle en parle avec des étoiles dans les yeux. Cette anecdote qui aurait été très peu intéressante. Merci Emma. Avec plaisir. Moi j'ai trouvé donc génial. Non, je rigolais. C'est très intéressant. Donc tu viens de confesser des faits de corruption. Oui. Ok. Je vais tout de suite rentrer en contact avec mon avocat. Je précise que je n'étais pas dans l'histoire. Je ne suis au courant de rien. Je me désolidarise. Tu n'étais pas du tout dedans, toi. Et non, pour la petite histoire, c'est-à-dire que nous, la veille, je ne sais pas comment expliquer la... J'expérimente la fête, c'est un fait. Mais je ne sais pas comment faisaient nos collègues avec nous, peut-être l'ivresse des vacances, quoi que ce soit. Mais ils avaient la compétence de se foudroyer la gueule chaque soir de la semaine. Ouais, ah bah c'est les vacances. Hein. Je veux bien que ce soit les vacances, mais après quand tu subis la journée à 40 degrés, il y a des corps qui subissent mieux que d'autres. Et quand tu... Bah, Jérémy, il arrivait bien à encaisser l'enfoiré. Oh, putain, Morgane, il en voulait du gâteau. Avec toi, ton corps de berrichon. Mais mon corps de berrichon, il est habitué à des températures à 15 degrés, tu vois, des zones humides un peu, tu vois. Ouais, 15-21, quoi. 15-21, tu vois, pas plus, quoi. Et non, du coup, à ce moment-là, avec Amaury, on s'était retrouvés tous les deux à regarder de la lutte sénégalaise à la télé. Et ah, Bombardier. Bombardier, effectivement, un lutteur sénégalais hyper connu. Ouais. D'ailleurs, il y a... mince, comment il s'appelle le kickboxer là, qui joue le garde du corps dans Fatal. Le gars qui joue le garde du corps dans Fatal. Et ben c'est un champion du monde de kickboxing. Ah oui. Il doit faire un combat avec contre Bombardier. C'est vrai. Ouais. Arrête, quand ça. Je sais pas si ça a été fait ou pas. Mais il est vieux, non? Bah il doit avoir facilement 55 balais. Bah oui. Mais tu verrais la forme qu'il a, mon pote. C'est celui qui dit dans Fatal qu'il y a un mec qui s'est introduit chez lui et qui a commencé à le pépon et il lui a dit « Tu finis ce que t'as commencé, ensuite tu le dégages !» C'est lui ? Ouais, c'est clairement lui, ouais. C'est clairement lui. Voilà, c'était une petite anecdote. Et donc, du coup, nous... Oh non ! Oh non ! On coupera ça au micro ? On coupera. Et pas dans mon slip. Lui, je te propose de finir cette petite tirade et après on ira se faire une petite pause. Ouais, ça me va très bien parce qu'il y a du casse-croûte. Et du coup, non, nous avec Amaury, on s'était restés parce qu'on avait de la ja très facilement au Sénégal et très peu cher. Et du coup, on passait nos journées aussi à fumer de la ja. Je rappelle que pour ceux qui ne le voient pas, Loïc est un rasta blanc. Babi, babi, babi, babi, babylone. Allez, on se fait une petite pause, on se retrouve dans une minute. On a fini cette petite pause sur un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Tiff, artiste en provenance directe d'Alger. C'est un rappeur, voilà, il a sorti un album qui s'appelle 1.6, avec une cover orange, vous pouvez pas le rater, j'adore cet album. Je le fais écouter à tout le monde, tous les jours, en faisant la vaisselle, en conduisant, en dormant, en mangeant. À toute occasion. Et le morceau s'appelle No Party, qui est un petit écho à nous, parce qu'en fait, on parle de fête, et lui dit qu'il va pas faire la fête. C'est une référence. Du coup... Non, voilà, il y avait fête dans le mot, je me suis dit, je pourrais peut-être faire une vanne dessus, j'ai raté. Bon, bah voilà, personne n'est parfait, et moi encore moins, j'ai compris. C'était à mon tour de raconter une anecdote. Exactement. Et alors, j'ai plein de... J'en ai une qui m'est revenue en éclair pendant la soirée. Tu parlais d'anecdotes de voyage. Ouais. Et j'ai une anecdote de voyage qui me fait beaucoup rire, qui nous a pas beaucoup fait rire à ce moment-là, mais qui me fait beaucoup rire maintenant. Et en fait, j'en ai plusieurs. J'en ai deux en voyage. Je regarde mon ordinateur parce que j'ai fait une petite liste. J'en ai deux en voyage. Deux à Bordeaux et une en nouvel an avec vous deux. Ce nouvel an qu'on a fait chez toi et Charles ? Non. On a fait un nouvel an exceptionnel chez Charles et moi, mais tout était parfait, donc je vois pas pourquoi j'aurais une anecdote sur cette soirée. Est-ce que c'est le lieu ? Je me suis endormi sur le balcon, j'avais froid, j'ai mis ma main dans mon pantalon pour me réchauffer. Sauf que j'avais tellement froid que j'ai remonté ma main par le haut du pantalon jusqu'à ma cheville. Et donc j'avais ma jambe gauche ainsi que mon bras entier dans la jambe du pantalon. Ça, c'est une autre histoire. C'est une fantastique photo sur deux. Très belle cover d'album. Vous pouvez pas la louper. Donc, moi je propose... Si je suis pas trop long, d'en faire deux. Bah, très bien. Donc la deuxième sera celle du nouvel an. Okay. Ou peut-être la première, je sais pas. Non, ça va être la première. Donc c'est un nouvel an avec vous deux, avec toute l'équipe de la garçonnière, concrètement. Ouais. Pendant longtemps, moi je rentrais pas beaucoup sur Niort pendant l'année, parce qu'on est de Niort. Et le moment où j'étais sûr que je croiserais tout le monde, c'était le nouvel an. Donc j'avais toujours, tu vois, on parlait des bonnes soirées et la pression que ça peut te procurer avant, parce que tu dis ça va être une super soirée. Moi j'ai toujours la pression avant le nouvel an, parce que je me dis putain, c'est la seule fois de l'année que je les vois tous, tu vois. Donc j'ai un peu la pression, je me dis ça va être bien, faut pas que je me foire, faut pas que je bois trop et que je m'endorme trop vite, faut pas que je fasse le con. Spoiler, bah, je suis à peu près toujours le con. Donc j'ai un peu des raisons de stresser. Et voilà. Et donc là on fait un nouvel an chez quelqu'un chez qui j'ai pas l'habitude de faire la fête. C'est quelqu'un de la bande, hein. Mais j'ai pas l'habitude de faire la fête. Est-ce que c'est ce nouvel an qui s'est très très mal terminé? Et alors, on va faire un processus un peu particulier pour celle-ci. C'est que je suis à peu près sûr qu'on n'aura pas les mêmes souvenirs du tout de cette soirée. Pour la simple raison que j'en ai très peu. Mais je vais vous donner mon point de vue dans cette histoire et ensuite le vôtre, d'accord? Donc on fait ce nouvel an et tout. Bien sapé, j'avais mis un petit col roulé avec une petite chaîne pour faire comme la photo de The Rock, vous voyez, quand il est un peu jeune. Ouais, je vois très bien. Ouais. Voilà, mon père m'avait filé un manteau, j'étais beau gosse et tout. Bon, j'étais pas allé chez le coiffeur parce que. Voilà. Mais voilà, je me sentais bien. J'avais les dreads à l'époque, donc pas de coiffeur. Non. Et je me sentais bien, j'étais à l'aise et tout. Mais j'avais un petit feeling bizarre, genre je savais pas trop. C'est pas que je savais pas où j'allais, mais je savais que j'étais pas vraiment à domicile là où j'allais, tu vois. Ouais, je vois très bien. Ouais. Et donc j'y vais, on fait notre soirée, la soirée se passe et tout. Et j'ai dû rater le message, mais je crois que j'étais le seul à pas avoir compris que c'était pas la même ambiance que d'habitude, tu vois. Qu'il fallait être un peu plus responsable, pas faire le fou, machin. Et donc la soirée se passe et je me rends compte assez rapidement que bah, je suis le seul à crier partout, que je fais un peu le fou. Non, c'est pas le seul. Non, j'étais pas le seul, mais genre que c'est pas, ça a pas l'air d'être le mood général, quoi, tu vois. Et donc voilà, je fais un peu le fou, je crie un peu à droite, je crie un peu à gauche. Et comme on dit, comme on en parlait la dernière fois, les soirées en garçonnet en général, l'essence de ce truc-là, c'est que ça finit pas, tu vois. C'est que ça finit genre tard, à 6-7 heures, tu vas dormir, tu te lèves pas trop tard après, tu vas au McDo, je ne sais quoi, bref. Ouais, c'est ça. Et donc là, cette soirée-là, elle s'affaisse assez rapidement. Et ça va dormir, machin et tout. Mais moi, je suis en mode, mais c'est un nouvel an, vous êtes fous. Vous allez dormir, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et du coup, on était avec deux associés. Bah vous deux, d'ailleurs. On peut dire les noms. Oui, on peut dire les noms. T'es avec deux associés, c'est-à-dire Charles, qui était là la dernière fois, et toi, mon ami Loïc. Effectivement. Et on faisait un peu trop les fous. J'ai renversé un nombre de verres incalculable, mais bref. Et tout le monde veut dormir. La vaisselle s'en rappelle encore. Et tout le monde commence à vouloir dormir, sauf qu'ils n'arrivent pas parce qu'on fait trop le bordel. Et là, descend une furie. Une furie qu'on recevra peut-être bientôt derrière ce micro et qui pourra peut-être aussi nous donner sa perspective. Mais débarque une furie en colère, en mode ouais, Marie, tu fais chier et tout, tu nous casses les couilles, on veut dormir et tout. Et moi, je suis en mode mais d'où vous dormez? Genre, pour moi, dans ma tête, c'était eux le souci. Mm. Il était 4h du mat, ils voulaient pas dormir. Ils voulaient dormir, je suis en mode mais c'est vous qui êtes bizarre, tu vois. Hein, c'est vrai qu'il était tôt. Il était tôt dans nos standards, tu vois. Mais aucun souvenir, il faisait jour. Non. On est parti quand il faisait nuit. Il faisait jour ? Non. On est parti quand il faisait nuit et on a eu le lever du soleil et tout. Et on est rentré quand il faisait jour. Mais bref, parce que voilà, spoiler. Et donc on s'embrouille avec cette madame. Et elle finit par nous foutre dehors. C'est vrai, ça. En nous piquant nos clés de voiture, en mode vous êtes trop ivre. Tenez vos clés de voiture, responsable. Responsable. Mais en nous donnant une poche de gnoul. elle nous donne une poche de course. En fait, on était en train de picoler, elle met tout dans une poche de course. Et elle nous donne la poche de course. Elle nous dit, maintenant vous cassez, mais si quand je me réveille, il n'y a plus vos voitures, on n'est plus potes. Ouais. Et moi je pars. Bon, bah, je suis ivre. Donc bien évidemment, qu'est-ce que je fais? Je pleure. Je suis en mode... Elle fait ça, je comprends pas, on est censé être amis, et puis là, parce que je parle comme ça quand je... Il fait très ouais, il a tendance à être un peu chouineuse, Barry, quand il fait plus. Ouais. Je vous emmerde. Et j'ai pas une vie facile, d'accord. et voilà, donc on se barre avec cette poche de gnoul. Et en fait, on était dans un petit bled. C'est quoi le nom de ce bled? Je sais plus, Saint-Symphorien. Prin des Rançons. Non, pas du tout, Saint-Symphorien. Saint-Symphorien, enfin voilà. Et donc, on déambule. Saint-Symphorien, ouais. On est là, on déambule. Je te hais. On déambule comme ça, et on finit par trouver un lavoir. Et on se pose au lavoir. Et on s'est affairé à finir toute cette poche de gnôle. à trois en insultant les mères de tous les gens qui étaient encore à l'intérieur, c'est-à-dire tout le monde y compris toi et moi. Je suis désolé, t'avais rien à voir là-dedans. C'est vraiment méchant. Et moi en fait toutes les 3 minutes quand j'ai repensé, je me remettais à chialer. Genre, mais tu pleurais vraiment? Ouais. Mais je pleurais, mais j'étais, mais moi j'étais abattu. Mais pourquoi il m'a fait ça? Mais je comprends pas. Et bon, en fait, pour moi, c'était la fin de la garçonnière de Sharon. Mais attends, mais maintenant, on va se coucher à 4h parce qu'il y a la meuf qu'on veut pécho, machin, que truc. On n'est plus potes, en fait. C'est ce qu'il disait. Et c'était ça qui se passait dans ma tête, tu vois. Ouais, t'as compris l'histoire de pourquoi la meuf qu'on veut pécho, elle est arrivée là. Ouais, là, je te dis. Non, mais parce que d'habitude, tu vois, il y en a qui d'habitude sont toujours avec nous. Et là, il s'éclipse parce que. Il y a le boulot. Parce qu'il y a un boulot à effectuer. L'appel du travail. Voilà. Je Call of Duty. Tu vois, là, il y a le Call of Duty. Du coup, ça veut plus faire la fête avec les potes parce que machin, parce que truc. Et du coup, j'ai été dépité parce que j'étais en mode, mais là, ça veut dire qu'on n'est plus copains et tout. Ça veut dire que j'ai perdu mes copains et tout. Mais pourquoi ils ont pu nous faire ça? Et voilà, et donc j'ai chialé, mais pendant des heures. Hein. Genre, on picolait, puis je chialais, puis on picolait, puis je chialais. Et je ne sais pas comment, je me souviens plus comment c'est terminé, on y est rentré. Vous êtes revenu, on est revenu. On ne s'est pas refait engueuler encore. Alors justement, vous avez gassé des trucs. J'ai la fin de l'histoire. En fait, du coup, quand on est parti, justement, parce que du coup, le temps qu'on se fasse engueuler, on était quand même un peu des irréductibles gaulois, c'est-à-dire qu'on voulait quand même rester boire de la liche. Oui. Entre temps, justement, c'est là qu'il a commencé à faire jour. Mmh. Il a commencé à faire jour à ce moment-là parce que on continuait à licher pendant qu'on se faisait engueuler. Mmh. Et en fait, ça se faisait par phase, c'est-à-dire qu'il y en avait une personne qui se fait engueuler et pendant que les deux autres. Ça faisait un peu genre, tu vois, genre, t'y allais en, tu buvais derrière, comme ça, tu vois, il y avait quelqu'un qui faisait la diversion. C'était un peu vraiment ça. Et du coup, on s'est un peu fait virer par l'hôte de la maison, et aussi en même temps par la fille en question. Et par la suite, du coup, on était avec Charles tous les trois et on se baladait, arrivé à la voir. Du coup, en fait, il se passait deux choses. Toutes les 5 minutes, comme tu le disais, du coup, t'avais ta période émotive. Et nous, pendant le reste, nous, on avait notre période soularde. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, il restait quand même énormément de liches. Il restait vraiment beaucoup de trucs à voir. Beaucoup de liches. Et c'était vraiment cool parce que du coup, en fait, on n'en retrouvait jamais sans fin. Et en fait, on a réussi à atteindre la fin. Il devait être facilement 9h. Quand on est arrivé, les gens commencent à se réveiller. Et là, c'est là que notre ami Auguste nous a sauvé la vie parce qu'on avait 3 bagnoles. Il y avait la tienne, oui. Il y avait celle de Charles, oui. Et il y avait la mienne, et ensuite il y avait celle d'Auguste. Oui. Et Auguste il disait, oh, de toute façon j'arrive pas à dormir et tout. Et là tu sais ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait une queue-leu-leu à 4 voitures pour arriver jusqu'à chez Charles. Oui, oui. Et en fait du coup on a fait une queue-leu-leu. Oui, le petit jingle de sécurité routière. Interlude de sécurité routière. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais finalement hein, dans les 3 anecdotes qu'on a racontées, souvent une histoire de bagnole. Au final, oui. Bon, la dernière fois, c'était une histoire de sexe. Et ouais. Là, c'est une histoire de bagnole. On aura bien entendu une soirée où on parlera que d'histoire olé olé. Encore une fois, on en parlait la dernière fois. Mais peut-être qu'un jour, on a... Non. Non. Quoi qu'il y a de quoi... Non. Oui, il y a du sujet. Ouais, je sais pas. Voilà, donc c'était mon anecdote. Alors... pardon. C'était mon anecdote numéro 1. Et sachez que j'ai pas reparlé à tous ces gens pendant extrêmement longtemps. Comme oui, je vous dis, hein. C'est vrai. Parce que ça. C'est, en fait, ouais, moi, ouais, c'est le seul moment de l'année. En vrai, ça a cassé des trucs. Hein. Bah alors, moi, j'ai rien cassé. Quand j'ai. Non, parce que on m'a suspecté d'avoir cassé des trucs alors que j'avais rien cassé, d'accord. En plus, c'est ça, c'était pour moi, ça a brisé des amitiés. Je me suis hyper mal exprimé, mais quand je disais casser des trucs, ça a brisé des amitiés. Ça a brisé des liens. Ouais, ça a brisé des liens. Et en fait, moi, vu que je revenais dans l'année. À cette époque-là, je revenais que au Nouvel An et une fois par vacances, quoi, tu vois. Et du coup, entre ce moment-là et l'été, j'ai eu une seule occasion de croiser ces gens et on s'est pas croisés. Et du coup, on s'est pas parlé après ce moment-là pendant quasi un an. Avec l'autre, un peu moins avec la Fury. mais ouais, ça a créé un petit bif. On m'a dit que j'avais tout cassé. On a dit que j'avais cassé la toiture. Oui, c'est vrai que tout a dégénéré. Alors que du coup, en fait... Dans cette même soirée. Non, pas la toiture et la gouttière. Mais en gros, après, il y avait eu des problèmes dans la maison. Et donc, tout était nous. Oui, voilà. C'est vrai que du coup, on a quand même servi de. Ouais. Enfin, de mon souvenir. Après, c'est vrai que ça reste quand même, comme l'a dit Barry au début, c'est qu'on a des souvenirs assez vagues à ce moment-là, parce que on s'est pas pardonné. C'est vrai que vous étiez, mais... Red Hachi. Non, pas Red Hachi. Elle a tellement bu, elle s'est endormie debout, frère. Elle nous parle de Red Hachi. La meuf, elle est narcolithique. Enfin, voilà, donc c'était une anecdote rigolote, mais en même temps un peu triste. Sur le moment, c'était... Mais c'est vrai que sur le moment, j'étais très triste. Ouais, mais à ce moment-là, on avait la peur de la grosse coupure dans le groupe. Hein. Ah ouais. Mais moi, je pensais que j'avais plus de potes. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, de toute façon, ceux qui étaient encore dans la maison, ils me haïssent tous. Les autres, ils peuvent les voir plus souvent. Du coup, ils vont se rabibocher. Mais moi, vu qu'on peut pas se voir, eh ben, je vais juste prendre pour toute l'histoire et tous les problèmes qu'il y a eu. Et on sera juste plus potes. Et là, on est sur un petit moment de rédemption de la part de... Un problème de problème, peur de l'abandon, tout ça. Oui, oui. Bah, ouais. Je pense pas que c'était... Merci, papa. Si, moi, j'étais persuadé que j'avais perdu mes potes. Et voilà, enfin bref. Donc ça, c'était l'anecdote numéro 1. J'ai une anecdote numéro 2. Et celle-ci, elle est spectaculaire. Mm-hmm. On est parti en vacances en 2016. Et j'en regardais ma parce qu'elle était présente dans ces ça. Vacances. On est parti à Malaga en 2016. Et donc on est parti en voiture à Malaga depuis Niort. Donc on a fait un petit 22 heures de route. Wow. Comme ça. C'était pas vraiment un road trip parce que juste on a roulé pendant 22 heures et après on s'est arrêté quoi. J'y repense à quel moment on s'est dit on roule pendant 22 heures. Je sais pas, ma maman était pas d'accord du tout. Bah ouais, mais il peut faire. Je lui ai dit ouais, mais j'ai payé. Non, que Lulu. Voilà. Je te jure. Et oui, on avait 19 ans tout pile pour moi. Toi, tu devais avoir 18. Je devais avoir 18. Attends, 2016. Si, c'était fin de la première année de fac. Donc, 18, mais n'importe quoi. Donc 19 ans, on a tous 19 ans, quelques... non, pas tous. On est 2 ou 3 à avoir 19, ils sont 3-4 à avoir 20 déjà. Ouais. Et il y a Emma. et donc on part à 10, 3 ou 4 voitures. 4, non, 9, 3 voitures. 10, 3 voitures. 3 voitures. Et on arrive là-bas, on est content, paysage de fou, ouais. Maison de fou, ouais. Piscine de fou, ouais. Vue de fou, ouais. Randonnée de fou, ouais. Des fous, ouais. Littéralement des gens qui étaient fous, ouais. des petits villages tout mignons, tout sympas, donc on n'est pas à Malaga, on est à côté de Malaga dans un petit bled qui s'appelle Comares. Donc c'est un petit village, andalou, tout ce qu'il y a de plus basique, quoi, tu vois, avec des gens qui font du flamenco et de la guitare. Bah non, il y avait littéralement des gens qui faisaient du flamenco. C'est faux. Bah si. Mais il y avait pas du tout de gens qui faisaient du flamenco. Si, pendant la fête du village de Comares. Non. Si. Non. Bambolé, c'est pas intéressant du tout ce que tu nous proposes comme contenu auditif, Emma. Mais. Ok. Je rigole. Chut. Et voilà, donc tout ce qu'il y a de plus standard. Et on était pas loin de Malaga. Et pas loin de Malaga, et du coup on est allé à Malaga une ou deux fois. Un jour on se dit, tiens, et si on allait faire la fête? Parce que nous on adore faire la fête. Et on se rend compte qu'on n'est pas très loin d'une ville qui s'appelle Marbella, qui est un peu connue pour ses boîtes de nuit, sa jet set, c'est tout ça quoi. Et on se dit, bah en vrai. Drogue de synthèse. Peut-être. Loïc a fait un petit hochement de tête bien assuré. Ouais. Apparemment, il sait de quoi il parle. Et ouais, et du coup, on se dit, bon, bah vas-y, Marbella, ça peut être sympa et tout. Moi, je suis un peu en galère d'oseille parce que, étudiant précaire, j'avais bossé, j'avais mis tous mes sous de côté sur l'année pour partir en voyage. Et donc, je suis en mode, bah, j'ai pas des fortunes, mais c'est vrai que je suis chaud de me faire une boîte. Et donc on y va, on décide de partir à une seule voiture, donc on part à 4. Parce que la plupart des autres, c'était pas trop chaud pour venir. Je sais pas pourquoi t'étais pas venu toi, mais... C'était à une époque où j'avais 18 ans, comme son nom l'indique, j'étais jeune, et j'aimais pas plus que ça les boîtes de nuit déjà d'une. Mm-hmm. Et tu sais, c'était mon époque où les gens me faisaient peur. Où c'est oui. Exactement à ce même moment-là oui, oui. Où Barry a découvert que les gens me faisaient peur, où je lui ai demandé de la d'être fameuse à côté place de moi. Où les gens ouais. Faisaient du flamenco. Voilà. Mmh. Ah oui, ben voilà. Oui. Ben putain. Voilà. Ouais, ben pardon. Et donc j'ai demandé à Barry de d'être à côté de moi. Elle faisait pas traverser une place. Ouais. Les gens faisaient leur vie. Je savais pas. Il fallait qu'elle passe au milieu pour aller à la rue d'en face quoi. Et elle ne pouvait pas. Elle voulait pas. Tu surtout. Étais atteint de timidité. Timidité. Timidité. Timidité. Maladies. Oui, c'est vrai, il faisait du flamenco. Ok, autant. Enfin voilà, bref, on a bref. Et donc on a cette, cette vie-là, on est très contents, et on part à Marbella à 4, avec Matisse. Je dis les vrais noms ou pas? Bon oui, il y avait Matisse. Avec Matisse, Zach et Thibaut. Et on a une équipe, attention. Donc on part, on arrive et on se gare un peu dans une rue qui est un peu excentrée par rapport à l'endroit où il y a toutes les boîtes, et on se rend compte qu'il y a des boîtes partout. Et nous on est en mode, bah, on est dans une boîte gratos, et ça n'existe pas en fait, là-bas, tu vois. C'est parce qu'on n'est pas à la plage club à Bordeaux, quoi, donc il faut payer, ce qui est normal. Et en fait, bah, y a des boîtes partout, et en fait, on ne sait pas à laquelle aller. Du coup, on met une heure presque ou trois quarts d'heure à décider où est-ce qu'on va. On finit par arriver à un club où on se dit, bon, bah, vas-y, ça sera ici, parce qu'il y a une pub qui dit oui, entrée gratuite avec une conso, je ne sais quoi, avec un petit astérisque qui dit seulement si vous arrivez avant 23h30, et on arrive à genre minuit, quoi. Et donc, on arrive là-bas. T'as Zach qui était avec nous qui négocie pendant un quart d'heure et qui négocie dur avec le videur pour pouvoir nous faire rentrer sans payer. Ils disent ouais mais vas-y on prend une bouteille machin et tout, ça marche, ça marche. On rentre, on rentre, on arrive, bouteille, paf. Moi c'est ma je suis en première année de fac, c'est pas régulier pour moi de voir des gens qui achètent des bouteilles en boîte, tu vois. Et donc je suis évidemment, je ne débourse pas un copec parce que je suis pauvre. Et donc, voilà, on a la bouteille et tout. Et là, je me rends compte qu'en fait, bah, j'en ai un peu rien à foutre des boîtes, tu vois. Et donc, je suis là et ça danse et tout. Et moi, je suis, tu sais, je danse pas. À ce moment-là, je suis pas un grand danseur. Je suis toujours pas un expert. Mais je me débrouille. J'ai un peu des moves et j'apprécie surtout maintenant. Alors qu'à l'époque, j'étais nul. J'étais vraiment horrible et j'aimais pas ça, tu vois. Et donc, on arrive. Et c'est une ambiance bizarre. Il y a des meufs qui viennent nous parler. Après partent, après partent, elles reviennent. J'ai l'impression que la meuf est amoureuse de moi, puis elle disparaît comme ça. Je comprends pas et tout. C'est un mirage. Donc j'aime. C'est un mirage. Ah, tu veux dire un avion de chasse, ceux qui. Les mirages. Oui. Et du coup, je passe une soirée un peu longue en fait. Et je suis en mode, bah en fait, je m'amuse pas plus que ça. Et donc j'essaie de danser un peu, et ça se voit que je suis pas à l'aise. Et les gars me disent, vas-y, va à la table, va garder la bouteille, tu vois. Et moi je suis en mode, ah ouais. Ok, et donc je vais à la table et je garde la bouteille, et donc j'ai mon sac sur le dos tout le temps avec moi, et c'est aussi pour ça que je dois retourner à la bouteille, c'est parce qu'en fait il n'y a pas de vestiaire, donc on est arrivé avec notre sac et on a gardé notre sac, et c'était mon sac qui avait toutes les affaires de tout le monde. Ouf. Portefeuille, carte d'identité, clé de voiture, voilà, clé de la villa, tout dans tout. Le sac. Tout. Fallait pas perdre. Bien évidemment. Fallait pas perdre. Tout est dans le titre. Et donc on est là, et moi en fait je suis assis à la table avec une bouteille de vodka qui est plus grande que mon bras, quoi. Et sacrée boutanche même. Et donc bah je suis en monologue, je suis en face à face avec cette bouteille et je compte bien en venir à bout, quoi. Et donc je suis là, je me sers des verres. Je me sers et je me bois, mais je bois beaucoup, tu vois. Bah voilà, la soirée avance, à un moment je vais aux toilettes, je me rends compte que aux toilettes il y a plein de déos et de trucs qui sont posés sur le bail. Je me dis putain trop bien, parce que je pue un peu, je sais pas. Et donc je vais pour mettre du Axe et le Boog, il y a un Boog dans les toilettes, je sais pas d'où il sort, et il m'attrape le bras et il me montre un écriteau qui dit que c'est payant. Et donc en fait dans les toilettes t'as tout ce qu'il faut pour te remettre bien, mais il faut raquer, tu vois. Et moi encore une fois, petit rat à cette époque-là, toujours maintenant, un gros rat même, je suis, oh ben non, je peux même pas payer 30 centimes pour un pied de Axe, tu vois. C'est mort. Je l'aurais pas fait, je le referais pas aujourd'hui, évidemment. Et je reviens à la table, et là, je m'endors assis, tu vois, les coudes sur les genoux, la tête dans les mains. Et je m'endors comme ça. Tu devais sacrément te faire chier. Mais je te dis, je faisais trop chier parce qu'en plus personne me parlait et tout. C'était, je sais pas quand c'était, mais c'était milieu de semaine, donc la boîte n'était pas remplie non plus. Et puis, tu sais, c'est le genre de boîte où en gros, t'as des mecs qui achètent des bouteilles pour se la raconter un peu. T'as des meufs qui passent devant, qui te parlent, machin, comme ça, elles viennent à ta table et puis tu leur payes à boire et tout. Et moi, ça, tu sais, j'étais pas trop dans ce mood là, tu vois. Et donc vraiment, je m'endors, cash. Mais tu étais sacrément saoul aussi. En plus, j'étais sacrément saoul. Bizarre. bizarre. Donc non, je m'ennuie, je suis sous, je m'endors. La soirée se passe, les gars passent une giga soirée, je vois des photos, ils ont l'air de s'ambiancer de fou. Thibaut, il est là. Il est là. Il fait le taf, quoi. Il fait le taf, tu vois. Il a fait le bon vieux taf, là. Et donc arrive un moment où il me réveille. Et tu sais, il me réveille, mais pas de répit. Genre, il me réveille, bah, allez, on se casse. Et je suis en mode. Et je me casse, tu vois. Et donc, je descends et tout. En fait, c'est qu'ils ferment la boîte, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc, ils sont en train de se faire foutre dehors. Et donc, il me réveille, on me dit, vas-y, on se casse. Moi, je suis en mode, bah, on se casse, ok, on se casse. Je sors. Je m'assois devant parce que je suis en train de me réveiller. Tu vois, il y avait un petit muret juste devant. Et là, il ferme. Donc, il ferme tout à clé et tout. Et on se dit, bon, bah, let's go. Barry, file ton sac que je récupère mes clés. Oh là là. Et moi, je dis, file ton quoi? Bon, de quoi tu parles? Il dit, bah, ton sac. Je fais, non, je veux pas de sac ici. Et là, je me rends compte que j'ai laissé mon sac dans la boîte, sur le banc où je dormais. Oh merde. Donc, crise de panique, qu'est-ce que je fais? Bah, je me rendors. Oh la vache, et les gars me réveillent et ils sont en train de m'insulter. Je me fais incendier. Tous mes morts, tous, et là, tous ils se font insulter. Et donc je suis là et je comprends pas. Je suis en mode, mais putain, je dors, laissez-moi tranquille, tu vois. Et ils commencent à être super énervés contre moi et tout. Et moi, je suis un peu en mode, mais ouais, mais en même temps, c'est vous, là. Ah, oui. Vous savez, je perds toujours tout. Vous me laissez prendre votre vie. Vous n'êtes pas responsable. Alors, j'étais très, très bon en mauvaise foi à l'époque. Oui. Un peu moins aujourd'hui. J'ai toujours des skills, mais... Très, très fort. Je ne sais pas les exploiter. Tu vois ce que je veux dire. Les gars partent et ils toquent à la porte, ils toquent, personne ouvre. Ils finissent par avoir un videur qui leur dit d'aller se faire foutre, machin. Et en fait, cette boîte, c'était dans un bâtiment, mais pas de plein pied, sur plusieurs étages. Okay. Et le bâtiment, je crois qu'il faisait 4 étages, un truc comme ça, tu vois. Et Zach, il dit, il voit une lumière en haut, et il dit, la vie de ma mère, je grimpe. Et la vie de ma mère, il a grimpé. Il grimpe la façade du bâtiment. Il s'accroche à une des lettres. Je me souviens plus comment s'appelait le club. Mais en gros, il s'accroche à une des lettres et il pète la lettre. Je crois que c'était un T et du coup, il a fait tomber le T. Enfin, ouais. Et il monte et il rentre. Café. Et... Plus jamais tu fais des blagues comme ça, tu vois. Plus jamais. Désolé, j'ai dû être un peu plus sérieux. Et il rentre dans le bail par la fenêtre et il arrive dans les bureaux. Et il tombe sur la femme de ménage. Et il s'avère qu'ils arrivent à se comprendre. Bon, je ne sais plus quelle raison. Je ne sais plus si c'est qu'ils parlaient français ou ils avaient une langue en commun, j'en sais rien. Et il fait « Ouais, le sac, on a perdu le sac et tout. » Et la go, elle fait « Ah, mais j'ai ramassé un sac et tout. » Elle lui file le sac. Et je ne pourrais plus vous dire s'ils sont sortis par l'intérieur ou par l'extérieur de la voiture. Mais de la voiture, de la salle. Je crois qu'il est ressorti par la fenêtre, qu'il est redescendu. Et pourquoi je peux pas vous dire comment il a fait? Parce que j'étais évidemment encore en train de dormir. j'étais bien, moi je dormais, c'était pas mal et tout. Et donc là, on repart, je me fais insulter, à raison encore une fois, insulter pendant les 20 minutes qui nous amènent jusqu'à la voiture. Je m'assois dans la voiture, je m'endors, cash. Pareil, genoux sur les coudes sur les genoux, main dans, tête dans la main, et je m'endors comme ça, en tenant ma petite main, comme une pose un peu kawaii. Et donc je suis dans la voiture et les esprits s'échauffent un petit peu et tout, les gens ils sont, tout le monde est saoulé par mon move, mais du coup ils commencent à se prendre la tête entre eux et tout, en plus ça rentre, je sais plus qui c'est qui conduit, mais vu à en juger l'état de tout le monde, je pense qu'il était pas vraiment en état. Ouais. Attention, interlude, c'est pas bien, le faites pas si vous êtes ivre en âge de conduire et que vous avez consommé de l'alcool, ne le faites pas. Par contre, si vous n'êtes pas en âge de conduire, mais que vous avez consommé de l'alcool, là let's go. Let's go, bombarde, bombarde, bombarde, mon ref, bombarde. Et donc je m'endors, à un moment je me réveille, on est au milieu de la route, il y a des chevaux, je comprends pas trop ce qui se passe. Et on fait la route, et là commence un trou noir. Et je me réveille sur les toilettes. À la manière d'Emma. Ah oui. Mais attends, mais c'est même pas moi qui te réveille des toilettes. En fait, en gros les. Mais attends, mais tu te réveilles des toilettes le lendemain matin. Ah oui, mais non, mais même pas le matin, le lendemain. Tard le matin. Bien 11-12 heures. Tu vois. la bonne grosse marque des toilettes sur les fesses, quoi. Comment t'as fait pour récupérer tes jambes? Alors en fait, la villa était sur 3 étages, mais c'était un rez-de-chaussée, un étage et un sous-sol. Ok, d'accord. On n'avait pas accès à l'étage, mais on avait accès au sous-sol. Ok. Et donc, t'avais 4 chambres, je crois, au sous-sol et un deuxième salon. Et en gros, on dormait. Il y en avait qui dormaient dans le deuxième salon, d'autres dans les chambres, machin. Et d'autres, il y avait 2 chambres en haut, je crois. Enfin bref, je me souviens plus comment ça marchait. Et les escaliers qui montaient du sous-sol à l'étage, en fait, donnaient sur les toilettes. Mais en fait, c'est-à-dire que tu pouvais pas voir les toilettes depuis l'escalier, mais tu avais des vitres, vous savez, les vitres épaisses et embrumées, tu vois. Ouais. Oui. Et donc, en fait, moi, je suis assis et en face de moi, il y a la petite fenêtre embrumée qui donne sur les escaliers, tu vois. Et donc, je dors depuis. Je crois qu'on est arrivé à peut-être 5-6 heures, tu vois. Non, on est rentré. Plus tard. Ah oui. Plus tard, il faisait bien jour. Bon, en fait, c'était moi qui leur avais ouvert la porte. J'étais endormie. Parenthèse. Non, vas-y. Je m'étais endormie. J'étais restée avec les autres dans la soirée. Et là, j'entends frapper. Donc. Je vais pour ouvrir, parce que personne ne va ouvrir, évidemment. Et moi, trop contente, je me rappelle, j'ouvre la porte en m'attendant de voir 4 gars hyper enjoués de leur soirée, genre trop bien, tu sais, genre les retrouver comme ils étaient partis, quoi. Je me rappellerai toujours, c'est Thibaut. Déjà, non, en fait, oui, non, mais oui, parce que je pensais qu'ils avaient les... Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais bref. J'ouvre la porte, et là, je vois Thibaut qui ne m'adresse même pas un regard. Oh, même pas. Il est super mignon, hein, d'habitude. Oui, mais les gars, pas un regard, Mathis qui me dit « Je t'expliquerai demain, je ne sais même pas s'il me sortir une phrase par rapport à ça, je ne sais pas qui a fait quoi. » En tout cas, tout le monde va se coucher, mais jusqu'au lendemain matin tard, parce que je me rappelle, Vincent et moi, on se réveille tôt. Je dis « Bon, il y a un truc qui s'est mal passé. Quoi ? Personne n'a pu m'expliquer hier soir. » Tout le monde se lève et tout, et moi je suis en train de dormir. Moi, je... En gros, ce qui se passe, c'est que moi, quand j'arrive là, je vais directement de l'entrée aux toilettes, je me pose, je m'endors. Ouais. Ah, mais si, attends, pardon, si. Je sais que Barry a fait de la merde, mais personne n'est capable de m'expliquer qu'est-ce qu'il a fait. Voilà, et moi, à cette époque-là, j'avais la fâcheuse tendance de faire de la merde tout le temps. C'est-à-dire que je buvais et après, je faisais une connerie. Pas forcément des immenses conneries, hein, mais toujours une petite connerie qui était bien chiante pour tout le monde. Tu vois. C'est ça. Et comme tu étais de mauvaise foi, t'alimentais. C'est pas que j'étais de mauvaise foi. C'est plus que je n'étais pas conscient que c'était de ma faute, tu vois. Donc plus que ça pouvait paraître pour de la mauvaise foi, mais des moments j'étais en mode mais c'est pas j'ai rien fait moi, genre qu'il oubliait. Tu vois par exemple là, non pas là, ça marche pas. non mais et donc je rentre, je me mets sur les toilettes, cache, je m'endors. Je me réveille parce que bah du coup je m'en rends compte après, c'est Emma qui monte les escaliers. Et il doit être quelque chose comme midi, 13h, enfin bref, tout le monde est réveillé à peu près. Et genre, je crois qu'elle tape sur le carreau ou quoi. Est-ce que je devais voir qu'il y avait une ombre au carreau. Elle tape au carreau. Et donc ça me réveille et je suis en mode oh. Et sauf que moi à ce moment-là, je me souviens de rien à part que j'ai vu un cheval dans la voiture. Le réveil. Cheval. Oui, je vous ai dit que sur la voiture, à un moment, je me suis réveillé, il y avait un cheval au milieu de la route. Waouh, comment bon, voilà. Pas écouté. Bah, tu m'écoutes pas. Là. Et donc je me souviens que de ça et d'un moment où je me suis réveillé devant la boîte avec Zach en train d'escalader le mur et tout le monde qui m'insulte. Et moi, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Tu faisais dodo. Ce que je faisais dodo, mais je me souviens pas. Tu sais, les moments où je te dis que j'étais réveillé, c'est qu'on me l'a raconté, je me souviens pas. Tu vois. Et donc je sors et je suis dans un état pas possible. J'en peux plus, je vais pas bien, tu vois. Je suis tout tremblotant, j'ai une migraine de fou et tout. Et je vois que les portes des chambres sont ouvertes. Je me dis, ah putain, tout le monde est réveillé en plus. Et donc je monte les escaliers, tout le monde est dehors sur une table en bois. Je sais pas ce qu'ils faisaient, s'ils sont entrés de la piscine ou quoi, mais tout le monde est là et j'arrive et un silence. Non. Un silence. Ouais, trop chiant. J'arrive et personne parle. Et je suis en mode coucou. Et ils font. Et tu sais, ils recommencent à se parler, mais tout doux et tout, genre... Faut pas tous. Pas tous. Si, si, si. Archi. Ah, mais faut pas tous. Quoi, faut pas tous? Mais faut pas tous, parce que moi, je me rappelle... Ça veut dire quoi, faut pas tous? Mais pas tous, parce que moi, je me rappelle avec Vincent, on s'est teasé. Oui, mais les gens qui étaient à la soirée. Oui, les gens de ta soirée. Enfin, oui, pas tous de la villa. Genre, en mode... J'avais compris, Emma. Mmh. Ah, waouh, d'accord. Je crois... Moi, j'ai cru que faut pas tous, c'était un mot. Bref. Faut pas tous. Et je vois que y a Vincent, il me fait des petits sourires et je vois il a envie de se foutre de ma gueule, tu vois. Je m'assois à côté de Thibaut qui, encore une fois, je le sais, même s'il me déteste, il va être gentil. Et je me mets à côté de lui, je fais... Il est trop mignon. Et je fais, Thibaut, c'est que j'ai fait de la merde ou... Et il me fait, ah ouais gros, ah ouais vraiment. Et je me dis, oh non, je vais faire une dinguerie, j'ai dû me bagarrer avec quelqu'un ou dire des saloperies à quelqu'un ou je sais pas... Et là, je suis en panique. Je me dis, ouais, peut-être j'ai mal parlé à des meufs et tout. Et ils sont là, tous trop saoulés. Et maintenant, ils font, ouais, t'as oublié le sac, mec. Et moi, je suis en mode, oh, mais c'est tout. en vrai, quand il y a un point, c'est rire du tout. Non, mais des fois, c'était drama queen, en vrai. Ah, je me rappelle, avec Vincent, le matin, on avait... Bah, du coup, il y avait que nous... Je crois qu'il y avait nous deux de lever le matin pendant très longtemps et on s'est teasé de ouf en mode bon, bah, il a dû faire une dinguerie et tout, machin, etc. Et les gars commencent à se lever et C'était ce. Et moi j'étais archi. Et j'étais en mode, mais attendez, vous me faites la gueule comme ça pour le sac? Ouais, tu te rends pas compte. Et en vrai, archi chiant. Si Zach avait pas des facultés d'escalade comme ça, bah on est baisé, on rentre pas, il faut attendre le lendemain 18h pour pouvoir rentrer dans le bail, tu vois. Ouais, et donc pour pouvoir rentrer chez nous. Enfin, il serait venu nous chercher, je suppose, mais on a quasiment plus de batterie, les chargeurs sont dans le sac, enfin... Ouais, c'était la merde. Et voilà, et du coup j'étais en mode, mais vous m'en voulez autant pour ça? Et ils m'en voulaient beaucoup pour ça, et encore une fois je me suis dit, oh non, j'ai perdu mes amis. Et j'ai passé toute la fin du voyage à être persuadé qu'ils voulaient plus être potes avec moi, mais qu'ils étaient juste polis parce qu'on était bloqués dans la même maison. Et voilà, voilà deux anecdotes. Après, je comprends son point de vue aussi, c'est vrai que c'est pas évident. Bah, en plus, je savais que j'étais un peu sur la sellette, pas sur la sellette, mais genre, ils en avaient un peu marre que je fasse des conneries. Non. Si. Enfin, c'est comme ça que je le vivais. Okay. Et du coup, je me disais, ah, là, c'est la connerie de trop, c'est bon, je suis cuit. Ouais, mais après, ce qui t'a sauvé, c'est quand... merde, comment elle s'appelait? L'ex de Pierre. Ingrid? Peu importe. Peu importe comment elle s'appelait. L'ex de Pierre, elle a renversé l'enceinte. Elle a renversé l'enceinte. Attends, je fais des gestes à Emma pour lui dire juste de parler plus fort, en fait. Ah, Emma parle plus fort dans le micro. Je lui dis, je fais des gestes vers le haut, elle se relève. Elle se lève. Elle se met debout. Et là, c'est mieux comme ça. Elle a renversé l'enceinte. J'arrête de t'embêter dans quelques minutes. On était toutes dans la piscine, on passait une bête de journée, la musique à fond. Et là, elle renverse l'enceinte de Mathis, qui était... Bah, c'était l'enceinte de ses parents. Une vraie bonne enceinte, une enceinte hyper chère. Oh, l'enceinte de bord de piscine, là. Méga, attention. Ouais. Oh. Déjà qui... Oh, c'est trop chaud. fallait faire méga attention. Et sans faire exprès, la pauvre, elle tape dedans. Et là, le mauvais objet était clairement tourné vers. C'est comme ça que je m'en suis sorti, j'ai trouvé pire que moi. Bon. Et après ils sont tous devenus super cool avec moi. Et le jeu c'était de la haïr elle. Et du coup je suis en mode, je suis désolé meuf, C'est la loi de la jungle moi. T'as perdu au jeu de la malchance. Voilà, c'était mes deux anecdotes de voyage. Alors j'en ai plein d'autres à Atlanta, donc il faudra que je vous parle. Mais ça sera pour les prochaines fois. Sans toi, sans toi ou pour une prochaine avec Loïc, peut-être, on verra. Non sans Loïc. Sans toi, Loïc. Loïc ne sera plus invité. Reçu. 5 sur 5, je prends note. Je mets ça sur mon agenda. Écoute, Loïc, mon ami, ça m'a fait très plaisir de te recevoir. Merci, mec. Merci à Emma de m'avoir accompagné encore une fois. Alors, elle a fait un V avec les doigts, mais sauf que ça ne s'entend pas en radio. Et moi, je vis pour les caméras. Elle vit pour les caméras. Malheur, il n'y a pas de caméra sur un podcast. Je vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés. Si vous êtes nos copains, j'espère que vous avez reconnu des personnes que vous avez. Ça vous a. J'espère que ça vous a rappelé une époque, une anecdote, etc. J'espère que vous serez chaud pour venir nous raconter, comme l'a fait Loïc sur l'anecdote du bidet, nous raconter votre perspective des situations qu'on a pu décrire ce soir. Encore une fois, j'espère qu'on fera la fête bientôt ensemble. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, j'espère qu'on fera la fête bientôt ensemble. Pour ceux qui nous connaissent, je vous fais un petit bisou. Puis bientôt la fête ensemble. Bon, on fera bientôt la fête ensemble, j'espère, si vous n'avez pas tous 50 ans. Et on se revoit bientôt. Bisous, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le micro, il est si fort, enfin, il est si gros, ça me fait mal.